sourire en chacun. Rien qu'une heure du commun. Rien ne sert de croire. Formules qui font pleuvoir pour que l'ouette devienne torrent. Le bonheur épargne depuis les luxes. Celui qui préfère l'enfer au salut. La solitude ne rend jamais illus. Celui qui refuse toutes les mains tendues. Les aiguilles du cadran se souviennent de ces bloquées par une fin. Elles ont vécu des joies, des fins. Rien ne sert de regretter un manque même présumé de courage ou de démérité. Si on s'avoue la vérité, le bonheur épargne depuis des luxes. Celui qui préfère l'enfer au salut. La solitude ne rend jamais illus. Celui qui refuse toutes les mains tendues. Non, non, non, non, non. Le bonheur épargne depuis des lustres. Celui qui préfère l'enfer.